pas manquer. La radio. Eh ben, ici René, le cavalier. Et elle est membre du groupe Rock et Belles Oreilles. M'ont fait dire de vous dire qu'ils écoutent CKRL. Je les arrête. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita en cette édition du 19 janvier 2013. Un temps de tempête un peu dehors, alors j'imagine que vous êtes confortablement installé chez vous et êtes prêt à faire une nouvelle aventure avec nous, avec le rock progressif d'aujourd'hui et des nouveautés et plein d'albums récents qu'on a à vous présenter ce soir. Donc on va débuter avec Majestic. Majestic, c'est un groupe américain, c'est le guitariste Jeff Hamel qui, depuis le milieu des années 2000, produit des albums. C'est leur sixième disque, donc une nouveauté, c'est un album double intitulé VOZ. Et sur ça, donc, il y a une très longue pièce là, qui dure en tout, qui fait plusieurs parties, 10 parties, et qui doit faire dans les 50 minutes sur le premier disque. Et sur le deuxième disque, un disque de Majestic à lui tout seul. En tout cas, c'est tout nouveau, j'ai presque pas écouté, mais il me semblait très bon. Et on va débuter avec la pièce Becoming, donc de Majestic sur VOZ. Et ensuite, on ira avec The T-Club, qui est aussi un groupe américain, leur nouveauté que Michel vous a fait découvrir la semaine dernière. Leur album intitulé Quickly, Quickly, Quickly. Et il y avait un premier extrait donc qu'on a écouté la semaine dernière, vraiment, vraiment incroyable. Un super album. C'est quatre pièces. Donc la première pièce, ça fait Fire Bears, que vous avez entendu. Et là, on ira avec le second, The Eternal German Infant. Vraiment une belle progression, une belle réussite. Donc on y va tout de suite avec Majestic et ensuite The T-Club. ourselves as we breathe in. chocolate wolf. H is for horseman and A is for amazing Pete. O is for orange cream and S is for straw hat where she hid the meteorite Keith. P is for pepper witch. O is for orange rose and I is for ivory stick. Told me about all his friends. shook my head. Told me the wolf was the king. All the trees smiled there. Everyone was dressed in gold with books like mine. They stared but never read the inside. For an hour or so every day, this gave them energy. So I did the same and stared for 3 more years. I woke up one night to see a movie. Sat on the tree with the huge only pain. When I look back at the house, it burst into flames. Then everything turned to black. When I woke up, I was running in circles where the house should have been. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestation d'Antoine Graton et DJ set dédié. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. I think he always knew he would, and you know, he was kind of like a guy who I always think of somebody who's on a train. And you know you have to jump off, but pretty soon the train gets going so fast that you know if you jump off you're gonna die, you know. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. City of night. City of night. City of night. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terrain Incognita. Et ce qu'on a entendu donc une première demi-heure musicale juste avant la pause, c'était le groupe de l'Argentine Habitat. Et c'était en fait un doublé avec les pièces nommées Perturbes et La Montaña de las Sombras Parte 1. Donc, ça paraît sur un disque qui vient juste de sortir, en fait, qui est un remix du premier disque réalisé en 97 par Habitat. C'est un disque qui s'intitulait Historias Olvidadas. Alors, c'est Olvidadas Remix. Et donc, il y avait ces pièces-là. Donc, la première était une reprise de Banco del Mutuo Secorso, qui est un groupe italien. Et qui est une version espagnole, et la deuxième, une pièce enregistrée en 2011, donc de Habitat. Juste avant, il y avait eu un doublé américain avec la nouveauté de T-Club, c'était la pièce The Eternal German Infant, tirée de Quickly, Quickly, Quickly, Quickly, et on avait débuté avec Majestic. On poursuit maintenant avec le groupe RPVL, qui sera de la convention Terrain Incognita. En fait, ils seront là le 18 mai 2013 prochain. Donc, on est déjà en 2013 et ça s'en vient assez rapidement. On est déjà en janvier. Procurez-vous vos billets. Il en reste encore quelques-uns. Donc, c'est la 9e convention Terrain Incognita. Et il y aura le 18 les groupes américains Fido ainsi que le groupe RPVL, dont on entendra une pièce dans quelques instants, qui sont de l'Allemagne. Et le 19, le lendemain, il y aura Il Castello di Atlante de l'Italie et The Flower Kings de la Suède. Ne manquez pas ça. Parlant de choses qui s'en viennent, il y a la parution du nouvel album de Stephen Wilson qui s'en vient, intitulé The Raven That Refused to Sing. C'est, la sortie est prévue pour le 26 février, donc c'est à suivre. On ira donc avec RPVL, tiré de leur plus récent album Beyond Man and Time, la pièce We Are What We Are. Et ensuite, on a un doublé italien avec le groupe Montjoie, c'est une nouveauté. Michel vous en a fait jouer un extrait la semaine dernière. Un premier album, Affetto e Attrazione. Et on ira une pièce sur ça. Et ce sera aussi Raven Sad, qui est aussi italien. Layers of Stratosphere, un album paru l'an dernier. Alors, on y va tout de suite en musique avec RPVL. go along with you, but I'm on your side. Go and tell your heart, my heart is fast about to come, walking on with pride. Serpente. Tra is that I don't have to see you no more. Too bad you still have my song among your walls. When I am dead, you will feel my lovely breath. When I am dead, you will feel that I am there. Surely that I love you, my little song. It's obvious that I'd be there forevermore. When that moment comes, I will take your hand. I'll lead you through the door, so you'll understand. When I am there, you will feel my deadly breath. When I am dead, you will feel that I am there. You will be mine. Who you will be mine. c'était le groupe italien Raven Sad, tiré de Layers of Stratosphere. C'est paru en 2011 sur l'étiquette Lizard. Et c'était précédé par Monjoie, une nouveauté italienne, Affetto e Attrazione. C'est le titre de l'album et c'était la pièce Il Gardino di Twignan. Et donc... une nouveauté italienne. Alors, je parlais aussi de la convention Terra Incognita. On aura, au retour de la pause, Mogon. Mogon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pseudonyme pour Fido. Donc, c'est Fido Xavier, cet artiste américain qui a réalisé de super albums. Ces quatre derniers, vraiment, sont des chefs-d'œuvre. Et il participe à un projet... Decameron, 10 Days in 100 Novellas, Part 1. Donc, sur ça, il y a un paquet de groupes qui participent à ce concept. Et Mogon a une pièce intitulée Eight Tale, donc le huitième conte. Tout ça, c'est présenté donc sous la forme de 4 CD. Et il y aura évidemment d'autres parties qui s'en viennent de Decameron. Donc, c'est paru sur Musea. On écoutera ça au retour de la pause. Et ensuite, on a aussi la nouveauté de Néodyme, un album Le Guetteur du groupe de Montréal Néodyme. Donc, c'est paru en novembre dernier. Et c'est leur troisième disque. Et sur cet album-là, pour. Il y a une évolution encore, c'est plus rock et c'est pas mal intéressant. On écoutera la pièce Le Guetteur et juste avant Mogon. Donc, c'est donc l'émission Terra Incognita, évidemment, sur les ondes de CKRL. Et c'est Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet avec vous au choix musical et aux interventions. On parlait aussi de spectacles qui s'en viennent. Il y a des choses intéressantes dans le collimateur. On va annoncer plusieurs spectacles, entre autres pour les amateurs un peu de musique reliée au progressif. Il y a Opette qui vient au Capitole de Québec. C'est le 21 avril. Alors, on sait que il y avait une contribution avec Steven Wilson pour l'album qui est paru plus tôt cette année, qui était un des bons albums, Storm Corrosion. Alors, pour ça, elle n'a pas manqué. Et Steven Wilson aussi fera un spectacle à Montréal. Donc, on y va en pause et au retour, donc, comme je l'avais dit, Mogon ou Fido, et ensuite Néodyme. Restez des nôtres, c'est l'émission Terra Incognita. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Salut tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de Yoga de Québec, 1355 3e Avenue, Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous, on ne sait jamais, ça peut être payant. La Barberie vous propose à chaque troisième dimanche du mois de déguster 4 bières noires de type stout et 4 chocolats pour un prix modique. Curieux, nous sommes allés recueillir des impressions sur place. Vous, madame? Vous, monsieur? Essayons tout le groupe. Renseignez-vous au 52 bières ou à labarberie.com. Waouh! Yeah. Somewhere, someone faces cross, misguided eyes to save the lost who see but can't be seen. Last night I thought I was dead, and if I move from off this bed, I still might be. So what was all this waiting for? Inside the foyer, behind the door, the lock holds the key. And it seems somewhere, someone controls the wires. Ashes of desires not to be, not to be. Just ashes of desires not to be. Haven't you done time enough until you face We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Salut tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous croyez que la musique progressive a pris fin dans les années 70? L'équipe de Terrain Incognita vous invite à découvrir de nouveaux groupes musicaux qui perpétuent la tradition en réalisant des albums qui sont devenus des classiques d'aujourd'hui. L'émission Terrain Incognita vous présente chaque semaine une sélection des meilleures réalisations récentes dans le monde du rock progressif. Terrain Incognita, tous les samedis soirs de 22h à minuit avec Jean-François Lamarre, Michel Bilodeau, Marc Chonnet et Bruno Côté. J'aime faire du parachute. Et pendant la chute libre, je profite du moment pour m'ouvrir une bonne Barberie. La Barberie, une bière qui descend bien. Alors, de retour avec Bruno et Marc. Et ce qu'on a entendu juste avant, c'était, juste avant la pause, c'était Iluya Space Folk de la Finlande. Leur plus récent album, Astronautica, c'était la pièce Cycloop. Et juste avant, il y avait eu le groupe de Montréal, Neodym. C'est la pièce Le Guetteur, tirée de l'album éponyme Le Guetteur, donc. Et c'est un album instrumental, comme vous. C'est vraiment cette pièce-là, c'est une des meilleures. Il y a la première, la dernière, les conclusions, il y a un paquet d'histoires. Ça se promène dans plusieurs espaces et c'est pas mal intéressant. Alors, juste avant, il y avait eu, donc, en début de bloc, Morgan. On va terminer avec pas mal de musique italienne. Et la nouveauté Alpha Taurus, leur second disque Atto Secondo. C'est la pièce Valighe di Terra. C'est une reprise de pièces des années 70, cette pièce-là, avec le nouveau chanteur, les nouveaux musiciens. Donc, de Alpha Taurus, il y aura aussi Wicked Minds, tiré de Visioni, Deliri et Illusioni. Il y aura une belle suite avec le groupe Delirium, une reprise du groupe Delirium, mais ça fera une transition avec l'émission qui s'en vient, l'autoroute. Donc on y va en rock progressif italien avec Alpha Taurus et on vous revient pour un petit mot de la fin. Che contano, scelgo un sogno. il tempo sia solo un codice. Nuovo giorno, sei come me. Thank you.

senza vento la mia barca andava alla deriva. E rimasto solo ormai non resistevo più. Ma per fortuna il sole in cielo saliva. La mia speranza era laggiù. Era terra all'orizzonte quella striscia scura. Da nessuno fosse è stata benedetta mai. Ma grazie a lei io sto vivendo ancora. E un altro mondo scoprirò. We'll be right back. sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. C'était un bloc italien, comme vous avez pu le constater. Et ça s'est terminé avec Wicked Minds, qui est un nouveau groupe qui ont présenté Visioni, Deliri et Illusioni. En fait, c'est un album de reprise de plein de groupes italiens des années 70, des groupes peu connus souvent, ou un peu plus connus. Alors, dans ce cas-ci, c'était le groupe Nova Idea, et c'était des extraits des albums Clowns et Mr. Jones parus en 72 et 73. Les pièces Un y Sola, Illusione de Da Poco et Clessidra. Alors, c'était précédé du groupe La Cosa, et c'est leur contribution à l'album Decameron, l'album sur lequel aussi il y avait Morgan, qu'on a fait jouer tantôt. Et c'était la pièce Horizonte Perduto, donc de cet album. C'est un projet Colossus, et c'est un album concept où il y a 4 CD. C'est la partie 1. Alors, il va y avoir une partie 2 qui s'en vient. En tout, il va y avoir 100 nouvelles, donc il faut faire les 100 pièces réparties sur probablement 3 coffrets. Bloc italien avait débuté avec Alpha Taurus, leur plus récent album, Atto Secondo. C'était la pièce Valighe di Terra. Di Terra, ça fait bien avec notre émission de Terra Incognita, qui se termine sur les quelques notes de musique de notre ami Jaco Jackzik, qui est un amateur de Robert Fripp et qui a contribué. Il y a eu plein de contributions en fait sur son album de Blues Romantic Glee Club. Tous des gens qui ont tourné autour de King Crimson. Il y a Mel Collins, Robert Fripp qui joue sur ça, Gavin Harrison, Ian McDonald, Ian Wallace, des gens qui ont participé à toute époque, qui participent avec lui à cet album double. Et on écoutera un extrait de la pièce Catley's Ashes de Jaco Jackzik pour se laisser sur cette édition du 19 janvier 2013 de Terra Incognita. C'était Marc Chaunet et Bruno Côté avec vous depuis 22 heures. On vous laisse donc sur Jaco Jackzik. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi! Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Sion le Disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion, 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ set de D. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. Je me suis rendu compte que ce qui intéressait cette société, c'est qu'on lui fout des pilules. Vous êtes ici avec Henri Laborie.